les mains posées sur elle. Il aime son odeur de cannelle. Elle collectionne les reliques, tickets de ciné, étiquettes de sandwich, passage clouté, cheveux mouillés, sous l'abribus l'un contre l'autre. Une adolescente les regarde et leur dit: vous êtes beau. Après l'amour, avant l'amour, elle écrit des poèmes à voix haute, entre deux éclats de rire, nombre impair de caresses. Chambre d'hôtel, passage dans le mur, une porte dérobée, la lumière est plus vive. Ils s'étalent dans l'herbe et boivent des fontains, un drive-in en plein jour pour revoir l'aurore. Il joue au flipper au fond de l'océan, sniff du sucre glace au sommet du Mont Blanc. 78 tours lancés par un écureuil incandescent, cerise, myrtille au filet à papillon. Ils inventent un langage fruité, les sons se déhanchent au clair de Solaris. Les couleurs explosent extatiques, la tendresse est une pomme brûlante cosmique. Votre vie affective est un désastre. La mienne aussi. Christophe, tu es tellement mystérieux. Encore. Christophe, tu es tellement mystérieux. Encore. Christophe, tu me troubles énormément. Encore. Christophe, tu me troubles énormément. Tu me troubles énormément. Énormément. Encore ? Oh merde. Christophe Henault, je vous trouve très beau. Encore. Christophe Henault, je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Encore. Christophe, tu me manques. Asseyez-vous confortablement. Vous allez essayer de vous détendre. Écoutez ma voix. Ma voix seule vous guide. Concentrez-vous sur elle. Vous vous sentez de plus en plus détendu. De plus en plus détendu. Vous vous laissez aller, vous vous décontractez profondément. Vous m'entendez très distinctement. Mes paroles se graveront toutes seules dans votre mémoire. Ne faites aucun effort, vous les retiendrez. Une douce torpeur vous envahit. Vous marchez lentement dans un long tunnel, sans peur. Vous marchez calmement vers la lumière. Vous sortez de ce tunnel et parvenez en plein soleil. Vous ne voyez que le côté plaisant des événements. Vous devenez optimiste. Et cet optimisme va se développer de plus en plus fortement en vous. Vous devenez résolument optimiste. À présent, vous ne voyez que le côté positif des choses. Votre vie devient de plus en plus agréable. De plus en plus agréable. Vous sentez naître en vous une nouvelle énergie. Pour vous, tout s'éclaire. Vous parvenez résolument à ne voir que le côté positif de chaque situation. Vous retrouvez la maîtrise de vos sentiments. Vous ne vous laissez plus envahir par de sombres pensées. Au contraire, vous parvenez mieux à surmonter les obstacles de la vie. Tout vous apparaît plus facile. Le contact avec les autres devient de plus en plus aisé. Vous développez le potentiel contenu en vous. Pour vous construire une vie nouvelle. À présent, vous vous imaginez évoluer avec votre nouvelle personnalité dans votre vie de tous les jours. Et vous voyez que vous parvenez à vivre avec plaisir, avec bonheur, et avec aisance. Vous vous sentez pleinement rassuré, totalement rassuré. Cette nouvelle énergie va vous permettre de réaliser vos désirs d'harmonie amoureuse. Vous vous sentez capable d'aimer. Vous savez que vous êtes capable d'aimer. Vos capacités à troubler et à conquérir sont désormais infinies. Vous inversez les processus d'échec et vous maîtrisez à la perfection les mécanismes de la réussite sentimentale. Vous ne vous interdisez plus d'être heureux. Vous vous débarrassez de tous vos artifices pour apparaître dans votre splendide singularité. Vous êtes à l'orée des caresses et de la complicité. L'amour est une exception qui vous est destinée. Demain, il s'offrira à vous. À présent, je vous invite à visualiser cette scène. Vous êtes assis sur un banc dans un superbe jardin public, regorgeant de fleurs multicolores et d'arbres majestueux. Laissez venir les sensations, les odeurs, les couleurs. Une personne très attirante s'assoit en face de vous et ouvre un livre. Sans attendre, vous vous levez et la rejoignez. Sans difficulté, vous engagez la conversation sur le thème de la nature, puis vous enchaînez sur celui de la littérature. Votre assurance est irrésistible. Le contact s'établit sans peine, puis une connivence s'installe rapidement. Après quelques minutes, vous savez tous les deux qu'une merveilleuse histoire d'amour vient de commencer. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui vous plaira, prenez conscience de vos atouts, de vos richesses et de votre devoir de bonheur. Insufflez dans cette histoire abondance de magie et d'attention délicate. Ne soyez pas trop impatient d'embrasser l'objet de votre désir. Il faut d'abord créer le manque.